À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le journal bangladais Daily Folk a présenté ses exploits immortels. Il a souligné comme ce qui suit. À présent, la Corée est devenue une puissance politico-idéologique et militaire, fabricant et lanceur de satellites et détenteur nucléaire. Tout cela est impensable à l'écart de la direction de Sangoon de son excellence M. Kim Jong-il.